Vos oreilles sont-elles prêtes pour un peu de nouveauté? Le poste d'écoute est maintenant ouvert. Bonjour et bienvenue dans le Poste d'écoute, l'émission qui découvre les nouveautés musicales pour la première fois en même temps que vous pour la semaine du vendredi 14 mars, samedi 15 et mardi 18. Je m'appelle Mathieu Plante, on va passer 3 heures ensemble pour découvrir ces nouveautés. Il y a beaucoup de styles différents dans l'émission aujourd'hui. On va entendre entre autres du reggae. Hein, du reggae, c'est tellement bon. On va aussi entendre de la musique un petit peu plus vargente vers la fin de l'émission. Mais du côté francophone, laissez-moi le plaisir de vous donner quelques petits artistes qui vont jouer. Pas Chic Chic, Baptiste Prudhomme, qu'on a reçu aussi. Alexandre Poulain. On a reçu Travis Burki et Carlit et Kabok. Ça a l'air très intéressant tout ça, mais on commence par un album que je suis très heureux de recevoir ici à C'est Fou. C'est Chocolat avec l'album Piano Élégant. Et on commence ça par la pièce titre. Tout de suite! Dans le poste d'écoute au 89.fr. Petite fille but it's free. On bus one, ooh, so gentil. Capitaine d'un yacht fabuleux, j'ai flambé ma fortune pour oublier tes yeux. Je quêtais ta présence comme une île clandestine, mon herbe orientale, ma belle Albertine. Qu'à noyer dans les vagues, un ennui endémique. J'espérais te trouver au sud de l'Argentine, mon infusion finale, ma belle Albertine. Trois premières pièces du nouvel album de Chocolat, Piano élégant. Dans le poste d'écoute, on vient entendre Albertine précédée de Petite fille et de Piano élégant. Parlons un petit peu de chocolat. On dit sur leur document de presse, du chocolat pour Pâques. Hein? C'est cute. Chez Grosse Boîte, le carême prend fin quelques jours plus tôt que partout ailleurs. C'est le 18 mars que le chocolat se consomme. Fort d'un EP sorti au printemps 2007, le quintet montréalais mettra enfin un premier album sur les tablettes, Piano élégant. Les cinq membres travaillent fort sur leur spectacle de lancement. Vous les avez aimés au Francophonie cet été, à Pop Montréal, au FME et à M pour Montréal cet automne. Vous n'avez encore rien vu et entendu. Grosse boîte est fière d'annoncer que Chocolat présentera ses nouvelles chansons le 20 mars au Lion d'Or. Ne manquez pas la chance d'y assister. On connaissait déjà l'uber charismatique Jimmy Hunt pour ses performances en tant que one-man band, qui rappelait un fin mélange entre Bloodshot Bill et Dylan, période post-branchage de guitare, harmonica inclus. Avec la sortie de son nouvel album, Chocolat trouve sa niche qu'il qualifie de rock élégant et écrit sur plein d'aspects de la vie qui rendront les filles heureuses. Piano élégant, c'est le titre de l'album et ça en représente bien le contenu. Des arrangements sophistiqués, mais qui gardent leur héritage garage pas trop loin. Toujours cette voix magnifique de Jimmy Hunt, le tout supporté par des batteries qui ont du soul. Sexy Chocolat. Drôle de document de presse, drôlement écrit. Je suis pas sûr d'aimer ça. Le 18 mars est encore trop loin, demande le document. Nous sommes d'accord et c'est pourquoi vous pouvez déjà écouter la pièce titre du disque sur le site internet du groupe au myspace.com/Montréal Chocolat ou encore synthoniser le radio sur votre FM favori pour entendre votre dose quotidienne de rock élégant. Quand on parle de radio, on parle certainement des radios universitaires, un peu comme C'est fou 89.1 FM dans vos oreilles. Là, je suis en train de visiter le myspace.com/chocolat. Ça dit qu'ils ont aussi un site qui est chocolat.mu. Oui, ce qui montre qu'il n'y a pas juste Marimé qui a un .mu au Québec. Piano élégant, ils vont être en spectacle, comme on disait, à Montréal pour leur lancement au Lion d'Or à 20h le 20 mars. Ils vont être le 27 à Sherbrooke. Ils vont être le 28 à Québec et le 29 à Chicoutimi. Allez voir les dates sur le myspace.com/Montréal Chocolat. Alors qu'on passe à de l'anglophone, la formation Hillotrons avec leur album Happy Matic. Hein, quand même intéressant. Un album très joli avec de l'anatomie de la tête sur le devant de la couverture. On voit un fond bleu avec une tête en train d'être découpée. Un peu comme un schéma là, A, B, C, D, E, F, G. Comment découper une tête, comment la recoudre après. C'est très chic et ça se passe maintenant. Dans le poste d'écoute, on découvre les nouveautés pour la première fois en même temps que vous. Oui, au 89.1 FM. les oreilles, c'est fou dans mes oreilles, c'est fou dans nos oreilles. Science de la formation Hellotron, c'était leur album Happy Matic. Juste avant, c'était la pièce Lost in Yichang. Et avant, c'était Teen Dreams, trois pièces de leur nouvel album. Hellotron, un groupe de Ottawa, en Ontario. Leur album Happy Matic sort le 1er avril. C'est leur troisième album. Ils sont formés en 2002. Ils ont sorti ensuite leur album Hellotron en 2003. Bella Simone en 2006 et maintenant Happy Matic en 2008. On peut appeler ça, ils disent dans leur document de presse, on peut appeler ça du pop, du new wave ou même de la musique dance, comme vous voulez, mais si il n'y a pas de la sueur dans votre dos à la fin de l'album Happy Matic, c'est que vous respirez probablement pas. C'est gentil de nous insulter comme ça. 1er avril, Hellotron, l'album Happy Matic qui sortira. Si vous voulez plus d'informations, allez voir le myspace.com/Hellotron, Hellotron au pluriel, ou encore Hellotron.com. Les membres sont Mike, Paul, Phil, Damien et Mike. On retourne aux francophones ici dans le poste d'écoute, l'émission qui découvre les nouveautés pour la première fois en même temps que vous. Un album plutôt particulier en regardant la pochette. Premièrement, la formation s'appelle Carlit et Kabok. Leur album, c'est K&K Musique d'ascenseur pour cage d'escalier. Là, il y a des K partout où on peut en mettre. Ce que le spécial sur la couverture, c'est un dessin fond noir, ligne blanche. On retrouve des jumeaux siamois. D'accord? Deux têtes. Un corps, deux bras, deux jambes. Un des deux gars est en train de se suicider, donc est pendu au plafond avec une corde. Et l'autre écoute de la musique dans ses écouteurs, branché dans son système de son. Donc si c'est quelque chose de bizarre, ça, hein, c'est vraiment bizarre. Carlit et Kabok, musique d'ascenseur pour cage d'escalier. On s'en va entendre la première pièce de l'album. Voici Carlit et Kabok dans le poste d'écoute au 89 FM. Dans vos oreilles. Oh, oh. C'est peur, hein, ça? De la musique d'ascenseur pour les cages d'escalier. Dilaté, c'est du son forcé. se battre agité à très agite. Ça fait mal, c'est violent et c'est grave, mais j'adore. Comme une double pénétration sonore. De pélo, j'ai pas anxiété d'une époque qui vont mal, du hip-hop, mais j'ai des cabochs. Prendre un micro et toute façon se flinguer. Veuillez accepter mes saturations déglinguées. Un DJ, un choriste, des lunettes, des néphrons, du Ricard, des cagoules. On pose et on se repose. C'est comme mon bébé, mon gamin, mais fais gaffe. J'ai vu durant la gestation. Qualité cabot, c'est le coup qui va marrant. Qui t'attend dans les pattes entre Tillon et Camaro. Putain, qualité cabot, t'entends pas quand ça sent bon. Le déodorant à 40 centimes d'euros. Qualité cabot. Tu vas peut-être avoir une grande montée en reprenant, mais tu vas peut-être redescendre plus bas que t'étais avant. Qualité cabot. Tu veux pas voir qui se cache derrière le rideau, nous on te le dit quand même. Qualité cabot, plus de traces que bataille écossaise. Qualité cabot. Un choriste, des lunettes, des névroses, du Ricard, des cagoules. On pose et on se repose. Qualité cabot. Si tu veux connaître notre formule secrète, on écrit des textes à base de mots avec des mots à base de lettres. C'est qualité cabot. Tu vas peut-être avoir une grande montée en reprenant, mais tu vas peut-être redescendre plus bas que t'étais avant. Qualité cabot. On s'amuse de l'ascension, on pourra jamais se calmer. On fait de la musique ascenseur pour les cages d'escalier. C'est qualité cabot. On pourra jamais se calmer, on fait de la musique d'ascenseur pour les cages d'escalier. Putain, qu'est-ce que c'est que cette connerie? Qui est-ce qui a fait ça? J'appelle les flics. Savoir ce que tu fais, c'est la moustafette. Qui c'est qui est payé pour rouler à 30 toute la journée, c'est la moustafette. Qui c'est qui t'embrouille dès que tu mets le pied dehors, c'est la moustafette. À cause de qui tu peux même plus conduire, fonce des trois moustachus dans une estafette. Toujours prêt pour niquer ta fête. C'est gros, c'est bleu, ça fait pas de bruit. Ça se cache derrière le cimetière la nuit. Ça te surveille, ça te suit, ça te guette. C'est tout si tu portes une casquette. C'est derrière toi quand tu conduis. Ça veut tes papiers, ton permis, contre l'alcoolémie et ton touchy. C'est tout le temps vénère et c'est mal poli. Ça te saute à la gueule comme une grosse bête. Un monstre chelou avec trois têtes. Trois moustachus dans une estafette. C'est quoi, c'est quoi, c'est la moustafette. Trois moustachus dans une estafette. Qui c'est qui a pas fait assez d'études? C'est la moustafette. Qui c'est qui t'arrête tous les 100 mètres? C'est la moustafette. C'est quoi le contraire du respect? C'est la moustafette. C'est quoi la bagnole que j'aurais jamais? C'est une moustafette. Poli comme un mec qui pète à table. C'est la moustafette. Qui est compréhensif comme un feu rouge. C'est la moustafette. Vieux képi cherche jeune casquette. C'est la moustafette. Et peut-être même plus si affinité. C'est la moustafette. Une bête à trois têtes qui te bouffe la tienne. C'est la moustafette. trois moustachus dans une estafette. Plein la moustafette. Y'a quelque chose sur toi, moi. Au début, je voulais rien prendre, mais ouais. Balance tout ton shit et fais ton bouquet, balance. Devant de la route pour en partir. Quand tu la vois, ça te fait soucir. Tu sais que dedans y'a trois blaireaux et qu'ils sont pas là pour fumer un bédo. Si elle t'attrape, elle va pas te lâcher. Jusqu'à son nid, elle va te ramener. C'est ton cerveau qu'elle veut manger. Mais sur ce morceau, tu peux te venger. Trois moustachus dans une estafette. Toujours prêt pour niquer ta fête. Trois moustachus dans une estafette. Sont toujours là pour niquer ta fête. Deux pièces de Carlit et Kabok. On vient d'entendre la moustafette précédée de Carlit et Kabok. Ça vient de leur nouvel album Musique d'ascenseur pour cage d'escalier. Carlit et Kabok, quelques années après leur formation, ils ont déjà écumé les scènes de la plupart des salles de la région lyonnaise et de certains des meilleurs festivals en France. Les morceaux diffusés sur leur site internet ont circulé comme une traînée de poudre. L'anecdote les a même menés sur la page d'accueil de Daily Motion, leur document de presse. L'arme atomique de Carlit et Kabok, c'est un sens de la formule qui tue et un humour hardcore d'un impact immédiat, parvenant systématiquement à être hilarant en trois phrases, voire en trois mots. Ces deux agiteurs en profitent pour tout snipper autour d'eux. De tuffeurs aux flics, des tuffeurs aux flics en passant par leur propre copine. Mm-hmm. Site web myspace.com/Carlit et Kabok ou passez par lunechance.com, le site de l'émission. Je dois dire que j'avais prévu passer trois pièces, mais deux, c'est assez pour moi. Hein? Merci. Si vous voulez entendre d'autres pièces, allez sur leur MySpace, c'est très très simple. Voilà donc Carlit et Kabok et l'album s'appelle Musique d'ascenseur pour cage d'escalier. On s'en va entendre Pennsylvania Grey, l'album MEM3. On doit se dire que ça doit être le contraire, l'artiste MM3 et l'album Pennsylvania Grey. Et la pièce s'appelle Schedule Cave. Quelque chose du genre. Poste d'écoute, 89.1 FM, Radio Campus, de Trois-Rivières, dans vos oreilles, etc., etc., etc. Vous connaissez le slogan maintenant, je pense. J'espère. Thank you. La pièce Skydrawl de la formation MEM 3 ou MEM 3, leur album s'appelle Pennsylvania Grey. En gros, là, si vous voulez aller voir le ernestoservini.com/MEM3, vous allez avoir plus d'informations. Vous allez apprendre, entre autres, que Pennsylvania Grey, c'est la culmination, c'est le point culminant, on pourrait dire en français. Là. En tout cas, point culminant de 4 ans d'amitié musicale et personnelle entre 3 musiciens de différents endroits sur la planète. Le trio, c'est Michael Cabe au piano, il vient de Seattle, Washington. Mark Lau à la bass, il vient de Sydney, en Australie. Et Ernesto Servini, qui joue de la batterie, il vient de Toronto, au Canada. Leur premier album, c'est des compositions originales des trois musiciens et un hymne traditionnel. Le son du groupe est influencé par les sons du grand Oscar Peterson, Peter Erskine, et East ou Est. Donc trois musiciens qui ont déjà une carrière derrière eux. Ils ont performé à des festivals de jazz comme le Umbria Jazz Festival en Italie, le Pori Jazz Festival en Finlande et d'autres festivals. Hein? Festivals? J'aime ça, moi. Au Canada, j'aime toujours ça, dire ça. Aux États-Unis, en Australie et à Hong Kong aussi. Donc, je rappelle l'adresse de leur site web, c'est ernestoservini.com/MM3. L'adresse est sur le unechance.com, le site de l'émission, comme toujours, unechance.com. Et leur album de MEM3 ou MEM3, le trio de jazz de New York. C'est ce que ça dit dans leur document. L'album s'appelle Pennsylvania Grey. Voilà. Qui ça pour ça? Vous écoutez le poste d'écoute au 89.1 FM et on continue avec Rat Silo. Voici l'album What the Butler Saw et la pièce Get Up, Go to Work, Go Home, Go to Bed. Get Up, Go to Work, Go to Go. C'est écrit en un mot. Get Up, Go to Work, Go to Home. C'est comme un accent iranien, ça, ça venait d'où? Jack ain't just sick of weeds running from La pièce Your Daddy Says I Gotta Go de la formation Red Silo. Leur album s'appelle What the Butler Saw. Et justement, c'était la pièce Get Up, Go to Work, Go Home, Go to Bed dans le poste d'écoute. Red Silo, un groupe de rock alternatif indie de Vancouver en Colombie-Britannique. Ils se disent, en fait, ils disent 2008 Year of the Red Silo. Hein, 2008, l'année du rat, silo, silo à rat, en tout cas. Vous comprenez le principe. RatSilo.com, RATSILO.com ou encore le MySpace.com/RatSilo, c'est leur site web. Mais tous les liens sont comme toujours sur le www.unechance.com. Ça dit dans leur document de presse que le band a été formé par Jim Newton qui chantait pour le groupe Sons of Freedom. Mais RatSilo ne sonne pas comme Sons of Freedom, donc arrêtez de penser ça ou de vous créer des attentes. Voilà, RatSilo, l'album What the Butler Saw. On va terminer la première heure du poste d'écoute, l'émission qui découvre les nouveautés pour la première fois en même temps que vous. On va terminer ça par du reggae, hein, Rebel Emergency. On va l'entendre la pièce Hander Far Away. Et puis on en reparlera, hein, dans quelques instants à peine, si ça vous intéresse. Ça vous intéresse, hein? Je savais. Vous aimez ça quand on parle? On placote dans votre radio. 89.1. Where there's nothing real, sure. Drifting and floating, uplifting. some filthy vanity. On top of humanity, the plague of immorality. Get rich with that mentality, destroying our society. Causing so much casualty and all this animosity. Who's winning this monopoly? What is a turn, another lesson learned. You play with fire, oh, you will get burned. Sometimes I worry, because I'm so concerned. But should I hurry? I just wait for my turn. What am I gonna do? I had the perfect lady. Need something crazy. End up lost my baby. Run it sound. Don't the place. Well, she walked down by. Didn't even say hi. Said I made her cry. Telling too many lies. And when she passed. She's sleeping in someone else's room. Still got her pictures in my phone. Why did you leave me all alone while your perfume lingers on? Well, she walked on by. You know that you really mean it when you tell her that you love her. I continue to throw back kiss her and hug her. Girls like good things, yes. The best of the best things, yes. When she walked down by, I didn't even say hi. Made her cry, telling too many lies. And when she passed me by, whoa, whoa, with that other guy, I gotta say it again in the egg. Sometimes you got the perfect lady, you do something crazy, end up losing baby. Deuxième heure du poste d'écoute, l'émission qui découvre les nouveautés pour la première fois en même temps que vous avec moi-même Mathieu Plante. Dans cette deuxième heure, on va entendre de l'anglophone et un petit peu de francophone. Il nous reste encore notre ami Baptiste Prudhomme à entendre, Alexandre Poulain, aussi à entendre du Travis Burki, mais on commence le francophone par Pas Chic Chic, leur nouvel album Au Contraire. Et tout de suite, voici la pièce Haute Infidélité. Hein, c'est bien, hein? Haute infidélité. Oh, mais avant, pendant que j'y pense, à la fin de la première heure, il y a quelques minutes à peine, on a entendu Rebel Emergency, juste pour dire que c'est un mélange de rock, reggae et ska. C'est un band qui avant s'appelait Panic at the Rebels. Ils ont décidé de changer d'image et de son après un événement tragique. Ils ne disent pas ce que c'est dans leur document de presse. Mais bon, donc leur album, encore une fois, s'appelle aussi Rebel Emergency. Si vous voulez plus d'informations, c'est rebelemergency.com ou passez par lunechance.com. Voilà qui est dit. On s'en va entendre Pas Chic Chic, leur album Au Contraire, et la pièce Haute Infidélité, maintenant, dans le poste d'écoute, au 89 FM. C'est fou! Dans vos oreilles. Dans vos oreilles. Dans vos oreilles. S'allumer, joue vos oreilles. Trois premières pièces du nouvel album de Pas Chic Chic et des Mordelés. On vient d'entendre En Chaîne et en Vogue, précédé de Tes clichés déclenchés et de Haute infidélité. Donc, premier extrait issu du très attendu premier album, au contraire. Oui, on parle... Est-ce qu'on parle de la pièce? Enfin bon, peu importe. Je vais lire le texte quand même. Apparu comme par enchantement sous le soleil de l'automne 2005, Pas Chic Chic est un quintet montréalais de langue francophone. La musique, dit-on, évoque les mélodies, les rythmes et les textures de la tropicalia, du psychédélisme et du shoegaze. Nous croyons toutefois qu'il est plus pratique de définir la singularité et l'identité du quintet à partir d'un portrait rococo et semi-abstract de chacun de ses membres, dit le document de presse. Roger Tellier-Craig. Tellier-Craig? Je sais pas. Chanteur, claviériste, guitariste, cet ex-membre de Fly Pan Am, Godspeed You Black Emperor et Set Fire to Flames. Marie Douce à la voix, Farfisa, Maxi Korg, Mélotron, Croumar, Piano. Et pour couronner le tout, elle prépare un mémoire sur les pulsions de mort et l'érotisme dans le cinéma québécois. Radwan Mumnet à la guitare et au clavier A-Stone. Il est ingénieur du son de Pachik Chik lorsqu'il n'est pas derrière la console de l'hôtel Tutango. Il fut jadis dans plusieurs formations hardcore et anime présentement la force paradoxale de Jerusalem in My Heart. C'est le fun quand un texte veut absolument rien dire quand tu connais pas le sujet ou les gens. T'sais, t'as aucune idée de ce que c'est. Tu manges aucune idée. Éric Fillion, batteur et percussionniste, il a exercé son métier au sein des formations Hardcore Hire, The Black Hand et Cobra Noir. Éric Gingras partage son affection entre sa guitare basse et sa progéniture. Depuis 10 ans déjà, il occupe la scène montréalaise, ayant à son actif Fly Panam, CNA3 et Justin Poirier, entre autres. Voilà donc, si vous voulez plus d'informations sur Pachik Chik, c'est le www.pachikchik.com ou le myspace.com/pachikchik. J'espère juste qu'ils vont réussir à trouver quelqu'un qui peut écrire des textes qui sont compréhensibles pour les gens à l'extérieur de la scène du groupe en tant que tel, parce que c'est vraiment incompréhensible pour une radio, je trouve. Alors donc, on a entendu l'album de Pachik Chik qui s'appelle Au contraire. Laisse-moi merveilleux. On va continuer dans le francophone avec Baptiste Prudhomme. Son album s'appelle Vendanges acoustiques. Et on va commencer ça par la pièce Set In, mais c'est 7 comme le chiffre et In comme dans les. Comme dans In. Poste d'écoute, 89.1 FM. La radio campus de Trois-Rivières, dans vos oreilles. Ouais. Perdu, que t'as jamais rien vu. Peut-être que t'es au-dessus d'un grand trou suspendu. Peut-être attendu. Peut-être que t'es reconnu. Peut-être que t'es rendu trop loin. Que tu t'es trompé de chemin. Peut-être qu'on s'est pas vu, qu'on s'est attendu longtemps. Peut-être qu'on s'est perdu, qu'on l'a voulu souvent. Peut-être que j'ai trop bu, que ça m'arrive de temps en temps. Peut-être qu'on s'est perdu quelque part, qu'on se retrouvait de l'autre bord. Le soleil me tape, la soif me rattrape, les pieds mouillés dans ma chenille. Je regarde l'été qui se couche. Peut-être que j'ai perdu l'esprit en t'attendant. J'ai trop attendu, j'ai perdu le fil du temps. Peut-être que j'aurais dû te dire tout ce que j'avais en tête. Peut-être bien qu'il y a un trou dans mon bateau, j'ai les pieds qui traînent. traîne dans l'eau. En attendant, le soleil me tape, la soif me rattrape, les pieds mouillés dans ma chaloupe, je regarde tes qui se couchent. Le soleil me tape, la soif me rattrape, petit vent léger, y'a pas trop de mouche, tu vas dans ma cour. J't'ai perdu, j'ai rien vu pour passer le temps en t'attendant. J't'ai perdu, j'ai rien vu, j'suis allé à la pêche, au cerf-volant. J't'ai perdu, j'ai rien vu, j'suis allé à la pêche, au cerf-volant. Peut-être qu'on s'est pas vu, qu'on s'est attendu longtemps. Peut-être qu'on s'est perdu, qu'on l'a voulu souvent. Peut-être que j'aurais dû te dire tout ce que j'avais en dedans. Peut-être qu'on s'est perdu quelque part, qu'on va se retrouver de l'autre bord. En attendant, le soleil me tape, la soif me rattrape, les pieds mouillés dans ma chaloupe, je regarde tes qui se couchent. Le soleil me tape, la soif me rattrape, petit vent léger, y'a pas trop de mouche, tu vas dans ma cour. Je regarde tes qui se couchent en t'attendant. Une troisième pièce de Baptiste Prudhomme après la pause dans le poste d'écoute au 89.fr. Satellisez le poste d'écoute au 89.fm. Voici une troisième et dernière pièce de l'artiste mauricien Baptiste Prudhomme. Soirée mélancolique dans vos oreilles. C'est une soirée mélancolique. Je perds mon temps, je sais que tu m'oublies. Je pars trop souvent, puis je te laisse endormir. Loin de toi, c'est l'ennui. J'espère que tu m'attends, j'espère que tu me comprends. Je me demande souvent, qu'est-ce que tu ressens. Tu me le dis tout le temps, puis encore je me demande, m'aimes-tu vraiment? Je perds mon temps, je sais que tu m'oublies. Je pars trop souvent, puis je te laisse endormir. Loin de toi, c'est l'ennui. Je suis perdu tout seul dans mon lit. Comme dans une averse sans parapluie. Des fois j'ai peur que mon retour te soit parti et que l'orage déchire mon parapluie. Si jamais tu ressens quelque chose qui te réveille en pleine nuit, comme une chaleur qui te traverse et qui s'enfuit, si tu penses à moi, je pense à toi, moi aussi. C'est une soirée mélancolique. Je perds mon temps, je sais que tu m'oublies. Je pars trop souvent, puis je te laisse endormir. Loin de toi, c'est la nuit. Soirée mélancolique de Baptiste Prudhomme, c'était précédé de la pièce Ma Chaloupe et de Set In. Ce sont les trois premières pièces de son nouvel album Vendanges Acoustiques. Parlons de Baptiste Prudhomme. Auteur, compositeur, interprète, autodidacte, il parcourt les bars, clubs et cafés de la Mauricie depuis une dizaine d'années. Il a partagé la scène avec des artistes comme Fabiola Toupin, Manu Trudel, Nicolas Pellerin, L'Empreinte Galactique, La Ménor Idéa, etc. Ses collaborateurs sont Michel Lemay, qui travaille avec L'Empreinte Galactique et Elvis Versa. C'est lui qui a réalisé l'album. Normand Béliveau, des Chats de Ruelle. Il est arrangeur, musicien et compositeur de plusieurs mélodies. Daniel Lemay, de L'Empreinte Galactique et La Ménor Idéa, est musicien, auteur et compositeur de la pièce 100 fois par jour. Et Yves Cadorette, artiste peintre, volte-face, auteur et compositeur de Le Go de mon égo. Des notes ont été semées et ont mûri tout l'été, puis les mélodies ont été récoltées, épluchées et accordées. Le fruit de ce labeur a été arrangé et harmonisé à l'automne pour enfin être enregistré au début de l'hiver. Ce qui pourrait sembler être une récolte tardive est en fait le travail de toute une année. L'automne est loin, l'hiver achève, la table est mise pour savourer les vendanges acoustiques. Voilà, quel beau texte. Il vous invite au lancement de l'album, hein, de son premier disque, oui, Vendanges acoustiques. C'est le dimanche 23 mars à 19h à la microbrasserie Le Trou du Diable de Shawinigan. C'est sur la rue Willow. Baptiste Prudhomme, l'album s'appelle encore une fois Vendanges acoustiques. Si vous voulez aller voir son site web, c'est le myspace.com/ Baptiste Prudhomme. On reste dans le francophone, en fait, parce qu'il nous reste quelques albums à écouter en francophone. Alexandre Poulain nous a envoyé un single, un simple, la pièce Un bout de temps, et on s'en va l'entendre à l'instant, hein, dans le poste d'écoute au 89.1 FM, dans vos oreilles. C'est la radio campus de Trois-Rivières, unechance.com, pour tous les liens d'émission et la balado-diffusion. www.unechance.com. J'ai donné tout un coup de bord dans ma vie dernièrement, puis j'ai jeté par-dessus bord ma job, ma blonde, puis mes tourments. J'ai pris un billet ouvert pour le Costa Rica. J'ai vais voir ce que je vais y faire, mais je comprendrai rendu là-bas. Rendu là-bas, je sais, je me suis poussé au bout du monde. Je suis désolé d'être aussi loin. Faut commencer par faire le vide pour espérer refaire le plein. Je sais exactement ce que je suis, mais je sais pas ce que je vais trouver. Je suis à trace de qui je suis, puis je vais bien finir par me rattraper. Dans un bout de temps, j'irai mieux par là. Dans un bout de temps, j'irai mieux par là. Ouais. Il paraît que ce qui nous tue pas nous rend juste un peu plus fort. Le peuple de l'au-delà doit être rempli d'amour ou mort. La vie, c'est jamais comme on pense, comme on veut ou comme on souhaite. Paraît qu'il faut juste faire confiance, qu'on comprend toujours mieux après. Après un bout de temps, j'irai mieux par là. Après un bout de temps, j'irai mieux par là. Puis un jour j'ai compris que j'étais pas le sauveur que je pensais être, et que pour ton propre bonheur fallait que je te laisse tout seul. Toute seule avec ta tempête. Le coup que ça m'a donné m'a fait crier à n'avoir la voix rauque. C'est là que j'ai décidé de faire du pouce sa force des autres. Puis je paierai au suivant dans un bout de temps, quand j'irai mieux, que la lumière sera venue dans mes yeux. Dans un bout de temps, je suis revenu du Costa sans doute. J'ai changé de... J'ai retrouvé le chemin sous mes pas, puis m'éloigne de toi à ton tour. n'est pas juste de passage. Ainsi va-t-on vers demain vivre le moment présenté. Des fois main dans la main, puis d'autres fois tout seul. Pour un bout de temps, un bout de temps, un bout de temps, j'irai nulle part dans un bout de temps. J'irai nulle part après un bout de temps. J'irai nulle part dans un bout de temps. J'irai nulle part. Alexandre Poulain et la pièce Un bout de temps, c'est un simple qu'on a reçu assez fou cette semaine, donc c'est la seule pièce qu'on a. Alexandre Poulain présente Un bout de temps, un premier extrait de son premier album. Hein, pourquoi pas? La chanson raconte un voyage au Costa Rica, mais surtout un voyage au bout de lui-même. Les chansons d'Alexandre sont sans prétention, dit le communiqué de presse, évidemment. Elles touchent, émeuvent, font sourire et communiquent la vive passion de leur auteur pour les mots et la musique. C'est toujours ça, ça fait toujours rire et pleurer. Ah, ça fait plein d'émotions, c'est bon. Allons-y avec son parcours à la place. En 99, Alexandre Poulain présente un premier spectacle solo au Vieux Clocher de Sherbrooke. Seul avec sa guitare et son harmonica, Alexandre impressionne par son aisance sur scène, son talent de conteur et ses textes riches et réfléchis. Même son parcours est rempli de belles émotions. Puis Alexandre se consacre à un bac en enseignement du français et de l'histoire. Pendant ses études, il se produit toutes les fins de semaine au Château Bromont. Toujours très bien de savoir où il a étudié et tout son parcours, etc. En tout cas, donc un bout de temps, premier extrait de son nouvel album. Bon. On attendra de recevoir l'album au complet pour en parler. Hein? On passe à Travis Burki, Ce garçon est le nom de son album et Ce garçon est le nom de la pièce aussi. Pratique, hein? C'est beau quand ça arrive, des choses comme ça. Qu'est-ce qu'il y a dans les cheveux? Il y a des femmes dans ses cheveux! C'est... Ah, wow! T'as vu? T'as vu, il y a des femmes dans ses cheveux! Ça, c'est une belle pochette d'album. Hein? Tout le monde veut des femmes dans ses cheveux, non? Le poste d'écoute 89 FM, dans vos oreilles et dans vos cheveux. Ce garçon aime tous les gens, les étrangères et les absents. Il les accoste en chantant, les tutoie quand ils sont vivants. Pas très bien coiffé avec son vélo, il va t'inviter à venir prendre un peu de Bordeaux. S'il est bien luné dans sa deux chevaux, il va t'emmener promener vers un pays plus chaud. Ce garçon aime tous les gens, les étrangères et les absents. Il les accoste en chantant, les tutoie quand ils sont vivants. Il est comédien sans se faire prier, il ne sait pas bien rester tout seul assis. Vous saviez, le cœur sur la main de ce grand enfant qui sait jouer du Brassens à la guitare en pédalant. Ce garçon aime tous les gens, les orphelins, les filles avec leur maman. Il les accompagne avant de s'envoler vers d'autres continents. Compagnon des vedettes, ami des voyous, il partage avec en disant ce qui est à moi est à nous. Pour lui l'univers est communautaire, il ne comprend pas les égoïstes et les solitaires. Ce garçon aime tous les gens, les étrangères et les absents. Il les accoste en chantant, les tutoie quand ils sont vivants. Ce garçon aime tous les gens, les étrangères et les absents. Il les accoste en chantant, les tutoie quand ils sont vivants. Vous êtes vivants, vous êtes vivants, vous êtes vivants, vous êtes vivants. Vous êtes vivants, vous êtes vivants, vous êtes vivants, vous êtes vivants, je vous assure, vous êtes vivants. la piscine. Ça suffira. Avec ton potentiel hors du commun, ton humour exceptionnel, tout un chacun voit en toi le descendant d'une ligne fantastique qui va d'Allen à Kubrick. On t'a connu plus en forme, on a pronostiqué que ton physique hors norme allait tout emballer. Mais les jours et les mois passent, qu'est-ce que tu fais à part du surplace? En te regardant jouer, tu nous déçois quelque peu. Tu ne joues que dans des films cons, excepté parfois quand tu veux quitter ton statut de Pygmalion. Tu nous déçois quelque peu, fais-nous marcher ton imagination. De ton carquois décoche deux flèches, l'une vers nous, l'autre vers Cupidon. Bien sûr tu gagnes a lot of money, tu pourrais acquérir une toile de Monet, mais tu dilapides tes salaires en parfum, en UV et en crème solaire. Avec ton potentiel hors du commun, ta fougue existentielle, quasiment aucun membre du showbiz ne peut te vexer. Tant que tu leur fais la bise, ils seront te vénérer. Quand tu prenais des risques et tu évitais les rixes, et tu vidais moins ta flasque en expédiant moins de fax. Avoue qu'avant la vie d'avant, le rendez-vous dérive. Tu nous déçois quelque peu, tu ne joues que dans des films cons, excepté parfois quand tu veux quitter ton statut de Pygmalion. Tu nous déçois quelque peu, fais-nous marcher ton imagination. De ton carquois décoche deux flèches, l'une vers nous, l'autre vers Cupidon. Bien sûr tu gagnes mucho denaro, tu pourrais acquérir un Camille Pissarro. Mais quelle importance, après tout, celui auquel je pense en contre-fou. C'est fou depuis 10 ans. 10 ans, buvez moins ça. C'est fou 89 ans. Sont comme vous et moi, ils ont les poches pleines de soucis. Chaque jour est source d'émoi, ils font des cauchemars chaque nuit. Que l'un d'entre eux se réfugie dans les dogmes d'une religion. Co-thérapeute, un autre confie ses mots, les inquiets sont légion. Les inquiets transmettent leur spleen lorsque leur visage est fermé. Surjoute un air de mandoline qui suffirait à déprimer. Les exaltés en blouse blanche qui leur proscrivent à tour de bras des molécules en avalanche qui rechutent en désarroi. Lorsqu'on est inquiet, est-ce que c'est pour la vie? Est-ce une incurable maladie que l'on attrape en discutant, tant avec un inquiet qu'avec un quidam inquiétant? Les inquiets remettent à plus tard les rendez-vous qui leur font peur et prennent un ton des plus bizarres pour demander plusieurs fois. Vous avez l'heure ? Quand ils ne sont pas silencieux, ils ont toujours des catastrophes qu'ils dramatisent assez pour mieux donner du tragique à leur strophe. Ils décèlent tout moindre signe validant leur superstition, l'imminence funeste et maligne d'un drame avec détonation. Passer maître dans l'art de faire naître la culpabilité chez ceux qui voudraient bien se défaire de leur compagnie prolongée. Lorsqu'on est inquiet, est-ce que c'est pour la vie? Est-ce une incurable maladie que l'on sable en discutant, tant avec un inquiet qu'avec un quidam inquiétant. Inquiet attrape au passage la moindre petite anxiété qu'il transforme aussitôt en orage afin d'en être bien trempé. Si la foudre ne s'abat pas sur eux pendant ce petit jeu, ils craindront pour un autre que soi car ils savent s'inquiéter pour deux. N'allez pas vous identifier à l'objet de la description. Un proche saura très bien s'y plier par le biais de la projection. Que vous l'eussiez longtemps subi, qu'un court instant ait suffi. Souhaitez qu'il ne vous ait transmis un peu de sa mélancolie. Lorsqu'on est inquiet, est-ce que c'est pour la vie? Est-ce une incurable maladie que l'on attrape en discutant, tant avec un inquiet qu'avec un quidam inquiétant? Lorsqu'on est inquiet, est-ce que c'est pour la vie? Est-ce une incurable maladie que l'on attrape en discutant, tant avec un inquiet qu'avec un quidam inquiétant, tant avec un inquiet qu'avec soi-même en passant. Travis Burki avec la pièce Les Inquiets de son album Ce Garçon dans le poste d'écoute au 89.1 FM. Justement, c'était la pièce Ton Potentiel et au début, c'était Ce Garçon. Donc, c'est les trois premières pièces de l'album. On les écoute dans l'ordre comme dans un poste d'écoute. Parlons de Travis Burki, Ce Garçon, nouvel album sorti le 22 février dernier qu'on vient de recevoir. Je vais lire la biographie par François Rollin. Drôle. Le 6 septembre 1970, il s'est produit à Marseille un événement considérable, mais il a fallu de nombreuses années pour que le public et les médias en mesurent enfin l'importance historique. Ce n'est que vers 1988 que les observateurs les plus avisés, oui, repèrent les premiers pas prometteurs d'un jeune poète, auteur de théâtre et musicien qui évolue sous le mystérieux pseudonyme de U avec des trémas dessus. Ce garçon, après avoir étudié l'architecture puis la musique au CIM, a fondé le groupe Primitive, puis la compagnie théâtrale Hansen Mueller. Et il s'essaie avec talent à une discipline émergente, le slam. Dès 2001, Édouard Baer et moi-même faisons de lui le poète slammeur de Secrets de Femmes sur Radio Nova, puis en 2003, l'un des plus solides piliers du Grand Mez au Théâtre du Rond-Point. Bon. Entre-temps, sont apparus un documentaire signé par Régis Fourère, U dans la joie, et surtout le premier album officiel aux côtés de musicien argentin Pablo Kronz, après Les Dancing. Un grand coin du voile est désormais levé. Travis Burki, dit U, se produit sur de nombreuses scènes à Paris, notamment au Café de la Danse. La rumeur grandit, Travis Burki aussi. Le 4 avril 2004, il remporte le Grand Prix du Tremplin Chorus de Haute-de-Seine. Sur la lancée, il crée avec ses musiciens le spectacle Dans la joie. En 2005, c'est l'album La Luge, suivi d'une tournée déjà presque triomphale en France, Suisse et Belgique. À peine un an plus tard, Travis Burki enregistre l'album Ce Garçon aux côtés du réalisateur Yann Arnaud et poursuit ses tournées en solo, en formation ou en première partie des plus grands, dont Bachung, Kali, Ichelin et Catherine. Lorsqu'en 2008 paraît Ce Garçon, le monde sait désormais à quoi s'en tenir et il sait qu'un artiste précieux et original est apparu et il sait qu'il n'est pas prêt de disparaître. Surtout, il sait ce qui s'est passé le 6 septembre 70 à Marseille, la naissance de Travis Burki. Si vous voulez plus d'informations sur Travis Burki, allez voir le travisburki.com, B-U-R-K-I.com ou encore passer par le site de l'émission au www.unechance.com. On continue dans le... est-ce que c'est du francophone? Je crois bien que oui. C'est du rap. Hein? C'est Roughneck. Et c'est fou et fier de passer tout de suite avec la pièce Sky's the Limit dans le poste d'écoute au 89.1 FM dans vos oreilles. Just un old kid qui rêvait de révolutionner le rap. Vieilli, étourdi par ce p'tit cash. Devenu fou à push du crack. J'suis ready, man, toi si t'es prêt à die for that. Creep out there comme un film sur les l'héroïne. Sauf que moi, c'est pour le point que j'fouine. Le rap game, style une montagne russe. La descente était dure, la montée l'était plus. J'suis au sommet de mes capacités. Si t'es fronté, ose pas m'affronter. Sinon, si but tes bords sont comptés. Un petit extra, ta soeur, j'vais la sauter. J'suis brimé comme un douce point un peu pompé. On m'a bombardé comme si j'étais pompé. Tout ça, puis j'suis pas tombé à terre. Jeez, nous tue pas, nous rend plus fort, fait que j'ris. J'suis so strong now. Vous avez aucune idée des sommets que j'vais atteindre. Le feu, j'suis là pour l'allumer, pas l'éteindre. J'vous avertis, ça va saigner sur la scène. Tes avertissements, j'en ai rien à craindre. S'il faut, viens me voir, faire ta gueule, pis craigne. T'as pas mon talent, tu seras jamais au top. Tu peux pas me faire peur de vu la grosse en mes notes. Cause the limits on push and push. J'fais le best shit sur juste écoute. Ce qui est real c'est ce qui sort de ma bouche. Je sors un prochain c'est sur du push. Cause the limits on push and push. J'fais le best shit sur juste écoute. Ce qui est real c'est ce qui sort de ma bouche. Je sors un prochain c'est sur du push. Roughneck dans le poste d'écoute avec la pièce Sky's the Limit. Ça vient de son album Ce que je suis devenu. Roughneck, Marc-André Fréchette, né en 82 dans le quartier montréalais de Rosemont. C'est vers l'âge de 11 ans qu'il est entré en contact avec le hip-hop pour la première fois. Son appréciation de ce style musical particulier l'a mené au point de départ de sa propre excursion artistique quelques années plus tard. Il fonde Mix Familia en 97, accompagné d'artistes qui l'entourent à cette époque. Le groupe fait paraître Mix Familia Connection en 99, un album distribué de façon indépendante dans les rues de la métropole. Le style rugueux du groupe se fait tout de suite remarquer sur la scène hip-hop. En 2001, il fonde le collectif BBT, issu de l'union des membres de la défunte formation Mix Familia et de nouveaux artistes. En tant qu'artiste solo, Roughneck fait paraître son premier album solo officiel en 2004, qui s'intitulait C'est tout ce que j'ai. Automne 2007, il revient en force avec un mixtape solo intitulé Straight Out of Funktown, un clin d'œil au classique de NWA. Mars 2008, le MC frappe un grand coup après une absence de 4 ans dans les bacs. Son deuxième album officiel, Ce que je suis devenu, va permettre à ceux qui l'écouteront de découvrir le parcours de l'artiste depuis toutes ces années. L'univers de la musique hip-hop a bien changé en 4 ans et Roughneck a su évoluer tout en restant fidèle à ce son caractéristique qui aura fait sa marque au fil des années, dit son document de presse envoyé par l'étiquette, faut le rappeler. L'attente est grande pour cet album double qui renferme des compositions de Ruff lui-même, mais aussi de Kujo, Mr. T, Le Chum et Buzzy Boy. En solitaire sur la majorité des chansons, Roughneck s'est tout de même entouré de quelques-uns des plus grands artistes de la scène urbaine du Québec pour compléter son œuvre, qu'on pense entre autres à 01 Étrange G, Buzzy Boy, Sa Majesté l'Intrus, Quetzal, Maverick, oh, Quetzal de Trois-Rivières, Maverick, Chubby Pelletier ou Casper, tous se succèdent au micro pour appuyer le président du BBT Records sur les différents morceaux qui composent Ce que je suis devenu. Aujourd'hui, Roughneck a fait ses preuves et propose un album riche en surprises, un incontournable de 2008 et un classique en devenir qui fera sa marque dans l'histoire de la scène urbaine québécoise. Voilà l'ambition de... Oh! Je vois des choses intéressantes là-dessus. Je connais la personne qui a écrit le document de presse. Donc, voilà pour Roughneck associé avec C'est fou. On aime ça. Et on s'en va entendre une deuxième pièce qui s'appelle Damn! Et suivra ensuite la pièce Je pourrais en die. Je pourrais en die. Tout de suite, dans le poste d'écoute, au 89.1 FM, restez là, la troisième heure s'en vient avec un paquet d'invités surprises. Le kid, le rap c'est mon game. So donne-moi mon toy, laisse-moi spit mes flames. Le rap c'est un battle, je rush crow dans gladiateur. Prêt à spit comme une star porno à n'importe quelle heure. J'ai un abs, mes racines viennent de la ferme. Un bon cochon reste un cochon qu'on saigne. Roughneck, je zing des records Guinness. Dis que tu slaps, je slap comme en mécanisme. T'es pas prêt de toucher ma business. Hey, who the fuck is mécanisme? T'es content, t'as vu ta peu gratis. Un disque, un deal, maintenant ta soeur sur mon pénis. Si, j'rap pour mes homies man. Trap pour le money man. Pop pour le money man. Si, j'suis so hot pour le hip-hop game. Please when me lock, please even me pop. Si, j'rap pour mes homies man. Trap pour le money man. Pop pour le money man. Si, j'suis so hot pour le hip-hop game. Please when me lock, please even me pop. Still le classique comme Impala. J'vois mon empire. Rap and rap pour Big Brother, hey, for real, j'live for that paper. J'suis king, comme T.I. Une légende vivante, comme B.I. J'ai tes infos comme la CIA, trop dope, j'ai des fans à la DEA. J'vis ma vie de Superman, toi tu lis les BD. On n'est pas des super friends, crie-moi pas Mayday. J't'échange ton stash contre mes dés. J'suis béni des dieux, pas de mérite, comme ça j'suis né. La cloche sonne, tu rushes, tu regardes le toit. C'est comme le master donne que j'sonne le clock. Yeah, j'me prends pour God. Pour moi rap c'est la vie, c'est pas une mode. Si, j'rap pour mes homies man. Trap pour le money man, pop pour le money man. Si, j'suis so hot pour le hip hop game. B's veulent me lock, damn. C's veulent me pop, damn. Si, j'rap pour mes homies man. Trap pour le money man, pop pour le money man. Si, j'suis so hot pour le hip hop game. B's veulent me lock, damn. C's veulent me pop, damn. C'est le classique comme Mbala, hey. Yeah. J'rap mon empire, hey. J'rap and rap pour Big Brother, hey. For real, j'live for that paper. Fuck toi si tu rap pour le fun of it. Un pilier, I don't try, I'm one of it. Fuck Chris the chick, a loot de Chris. Si les femmes seraient des cartes d'or, ça fait longtemps j'serais riche. J'suis un real dog, real dog? So j'flex avec ma chienne dans ma niche. Tu penses j'suis fake, mais veux-tu prendre le risque? Y'a des gens morts sur ma blacklist. Tu veux me fuck, t'es fasciné par la mort. Encore plus qu'un gothique, tu fais des scénarios le soir. Hey, tu veux jouer avec ta vie, j'touche le beat, so preview, that's the trick. Si, j'rap pour mes homies man. Trap pour le money man, pop pour le money man. Si, j'suis so hot pour le hip hop game. Please veulent me lock, damn. Even me pop, damn. Si, j'rap pour mes homies man. Trap pour le money man, pop pour le money man. Si, j'suis so hot pour le hip hop game. Please veulent me lock, damn. Si, veulent me pop, damn. C'est le classique comme Mbala, hey. Yeah, j'rap mon empire, hey. J'rap and rap pour Big Brother, hey. For real, j'live for that paper. Take the sun away, all the birds that flew in the summer sky, when our love was new and our hearts were high, when the day was young. If you go away on this summer day, then you might as well take the sun away, all the birds that flew in the summer sky, when our love was new and our hearts were high. J'aime tellement le rap, j'pourrais en cry. J'me défonce tellement, j'pourrais en die. J'sais qu'un jour je dois accrocher mon mic. J'veux toucher la gloire avant que j'm'en aille. J'aime tellement le rap, j'pourrais en cry. J'me défonce tellement, j'pourrais en die. J'sais qu'un jour je dois accrocher mon mic. J'veux toucher la gloire avant que j'm'en aille. Pas mieux qu'un beat j'ai fait v'là 5 ans. Pour résumer ce que j'ai mis dans vos tympans, j'suis pas devenu ce que j'voulais quand j'serais grand. J'ai attrapé une maladie qu'on appelle l'argent. Big up à toutes les rappers qui ont su rester dans le grind. S'il faut cher du rock ou j'suis fort de 9, j'suis assez imbécile pour le valoriser. J'tiens à m'excuser, jamais j'suis influencé. Mais quand même, faut manger quand le net est désert. Quand même faut lancer. J'fais un doigt d'honneur à cette société. En rebelle, c'est comme ça j'étais élevé. 6 PC, 8 ans devant Dairy Queen. Bonne scène pour un ice cream. Je me suis dit plus jamais ça m'arriverait. Jour là, le cream venait de faire le crime parfait. J'pourrais en cry. J'me défonce tellement j'pourrais en die. J'sais qu'un jour je dois accrocher mon mic. J'veux toucher la gloire avant que j'm'en aille. J'aime tellement le rap j'pourrais en cry. J'me défonce tellement j'pourrais en die. J'sais qu'un jour je dois accrocher mon mic. J'veux toucher la gloire avant que j'm'en aille. Une lettre ouverte à mes fans qui me suivent depuis 13 ans. Aucune importance, je ne suis pas depuis 12 ans. J'rappe avec mes couilles pis chante du cœur. Sur ma tête et moi j'écris mes pleurs. J'ai perdu beaucoup de femmes avec qui j'aurais une belle vie. Au final j'ai marié une pute qu'on appelle B. Pour elle t'es pas assez ou trop street. Si t'as rien à dire, t'es du dead meat. Un beat classique, un break pis un sample. Pour mon bootcake, dis-toi j'ai struggle. que j'ai, je le mérite. Pas dans ce temps-là, ce qui reste de vrai autour de moi, c'est vrai. Avant, c'était ensemble qu'on allait au front. Maintenant, on milite que pour soi. Sans pas compte, je me vois vieillir à chaque seconde. Je veux laisser ma trace, dans ce monde. J'pourrais en cry, j'me défonce tellement j'pourrais en die. J'sais qu'un jour je dois accrocher mon mic. J'veux toucher la gloire avant que j'm'en aille. J'aime tellement le rap, j'pourrais en cry. J'me défonce tellement j'pourrais en die. J'sais qu'un jour je dois accrocher mon mic. J'veux toucher la gloire avant que j'm'en aille. If you go away on this summer day, then you might as well take the sun away. All the birds that flew summer sky, when our love was new and our hearts were high, when the day was young. Troisième heure du poste d'écoute, l'émission qui découvre les nouveautés en même temps pour la première fois, même temps que vous, hein? Même temps que nous. En même temps, juste en même temps, on l'écoute en même temps, t'sais. En même temps, c'est bon des fois de la musique en même temps, t'sais. En même temps. En même temps. C'est sûr. Dali Janvier, en même temps, Manon Réante devant moi, c'est beau. Bonjour. Salut. J'essaie de trouver un coin pour te regarder. Il y a comme une forêt, des micros devant nous, on se voit pas. T'es où, Dali? Je suis derrière les pylônes électriques, ici, hein? Là. Où ça, je te vois pas? Ici. Non, t'es là. Bonjour, Mathieu. De quoi tu vas nous parler plus tard, bonjour? Je vais vous parler de l'eau fiche et de l'œuf raide. L'œuf raide? Ouais. Un œuf raide? Toc, raide. Toc, toc, toc, toc, toc. Comme du bois? C'est ça, c'est très bon à tantôt à découvrir. OK, tantôt. On va commencer par Creature. Leur nouvel album s'appelle No Sleep At All. Creature, c'est apparemment très, très bon. On commence par la pièce Who's Hot, Who's Not. C'est comme Danny pour moi. Tu dis ça paraît, c'est bon. Quelqu'un à la radio m'a suggéré d'en faire jouer parce que apparemment c'est très, très bon. C'est ce qu'il dit. Ça a failli même pas se retrouver à la radio. Ouais. Je t'en reparlerai. C'est beau ça. Who's hot, who's not? C'est un peu comme tout pour moi. Once upon a time, in the early days of rhyme, rap was just an oddity, not today's commodity. A pure form of self-expression, not violence and wealth obsession. So please let us take this chance to change your mind and make you dance. Rapping about was positivity, despite the fact that they were living in a greater poverty. Now we never ever seem to find is another greedy fool with an empty mind. Oh, why? We got a hunger for a real donation. Two MCs with imagination. No black in your memory. Way back up for the money. Tip your hat to the old school. Take up to fashion, so cool. People shake it to the track. They were making these guys could do no wrong. They rocked the house, keeping all the crowds up on and moving all night long. Now, gotta, bada, bada, bada, what do you got? But what you gotta, gotta, gotta, the gig, gig, gig, gig. Giving to the people is the hottest of hot. So stop thinking about the love you could live. Living now, you have realized things that tell are really lies. But don't fret, cause this cortege will never let you forget about love. This is a love song, this is a love song, this is a love song. Future avec la pièce Who's Hot, Who's Not de leur album No Sleep At All. On va l'entendre une deuxième pièce qui s'appelle Brigitte Bardot. Ah, mais ça, c'était la première pièce? Oui, c'était la première. Très bonne pièce. Mmh. J'ai vraiment aimé ça. J'ai hâte d'en parce que je l'avais écouté, puis on dirait que ça sonnait pas de même dans mon bureau. Non, mais dans le sens que, je sais pas, une meilleure écoute en deuxième. Une deuxième écoute est souvent importante. Ben, c'est très vrai ça d'ailleurs, parce que j'écoute des fois la rediffusion du poste d'écoute, le samedi à midi et les mardis, samedi et mardi à 13h. Plug! Plug! Et puis, c'est vrai que des fois, à la deuxième écoute, je me dis, j'aurais peut-être passé plus de pièces de ça. Ouais, c'est ça. Il y a des trucs, des fois, on juge très vite. Puis, Gay Creature, je pense que ça va être un bon buzz pour le printemps puis l'été, là, quand si la température vient qu'à nous fleurir un peu. Ouais. Ça fait vraiment une petite musique très joyeuse pour cet été 2008. Mm-hmm. Ils vont être en spectacle le 20 mars à l'Impérial de Québec à 20h30. Mais pour l'instant, on écoute une deuxième pièce de Creature. Voici Brigitte Bardot! On passe d'écoute au 89.fm. My rhythm and leave this town, 'cause I wanna hit a place that is off the ground. So I get into a spaceship and get up to get down. La formation montréalaise Creature avec la pièce Brigitte Bardot. Brigitte Bardot, précédée de Who's Hot, Who's Not, ici dans le poste d'écoute. Un groupe de pop disco house indie de Montréal. Ils sont présentement en spectacle, ben, pas présentement, au moment même. Là. Ben oui, drette là, on les entend. Hey, bravo, viens de finir leur pièce. Ils sont au Texas, Danny. Hey, Texas. Et ils vont être à Québec le 20 mars à l'Impérial à 20h30. Ensuite à Sherbrooke le 21, à Saint-Hyacinthe le 22 aux Haricots. Ensuite à Ottawa. Ils vont être à Trois-Rivières à l'Embuscade le 19 avril prochain à 20h30. Ça va être vraiment excellent. Hey, on veut des billets. Absolument, on va sûrement en avoir Café Galerie l'Embuscade. Sûrement que C'est Fou va même présenter le sûrement, spectacle de Creature. Ouais, ouais, ouais, ouais. Sûrement une petite pub qui va rouler. Certainement. Creatureband.com, c'est leur site, ou encore le myspace.com/creature, créature, créature, pour aller entendre des pièces de leur part. Kim Ho, Carbella, Gina Simmons et Sid Z sont les membres de ce band Creature. J'ai bien l'impression que ça va être dans le top 3 pour le poste d'or d'ici la fin de l'émission, qu'on couronne presque jamais, mais au moins on couronne sur le site internet. Poste d'or, l'album de la semaine, l'album à écouter, Creature, No Sleep At All. Mais pour l'instant, c'est l'heure du bloc Philo Post avec Danny Janvier. Il nous parle de Low Fish cette semaine. Yes, Low Fish qui nous présente un quatrième album. J'ai regardé, mais pas vraiment en même temps. Ça m'importait peu. Ouais. Parce que c'est l'album que l'on écoute, c'est Burn the Light Out, ou The Lights Out, ça serait mieux, hein, ça serait peut-être mieux. Qui font un électro-électronica IDM hybride, un hybride assez minimaliste, Enjoy Music, assez joyeuse. Accelerator, qui est un reviewer de musique électronique, dit qu'ils font une musique extrêmement simple, énormément catchy, et d'une une moderne électro old new school. Old New School. Oui, Old New School. Parce que c'est vrai qu'il y a vraiment des éléments du Old School, mais avec une sauce nouvelle. Il s'écarte justement du mode uniquement numérique pour une supercherie analogique. Mais à l'oreille, pour le néophyte, ça sonne très, très numérique. C'est très minimal. C'est très techno, comme on pourrait dire. Il n'y a rien qui a l'air d'un vrai instrument là-dedans. Pas trop froid, toujours? Non, c'est ça qui est surprenant avec Low Fish. C'est que les éléments seuls pourraient avoir l'air vraiment froid. Musique vraiment distante. Mais pas du tout. À cause des mélodies qu'il emploie, le mix de tout ça, le mix des ambiances, ça donne une musique assez chaude, comme je te dis, très catchy. On va aller écouter tout de suite la pièce Bitter, la pièce 3 de l'album. Moi, en tout cas, ma préférée, on va l'écouter tout de suite après. On revient, on écoute ça. Low Fish, au poste d'écoute. Au 89.1. FM. Ouais, ouais. Non, FM. FM, excuse. Ah, moi, depuis 10 ans, je disais FM. Maudit. Don't mind. On entend, on vient d'entendre la pièce Better du projet Low Fish. Si vous voulez peut-être découvrir ça avant d'acheter l'album, allez sur le myspace.com/lowfishmusic. Tout de suite après la pause, on va écouter la pièce Controlling Hand au poste d'écoute. Projet Low Fish, projet de Toronto, Et puis, si vous aimez ça, ben, allez découvrir ça, comme je vous disais tantôt, sur le MySpace, Lowfish Music. L'album qui vient de sortir, c'est Burns the Lighthouse. C'est très, très bon, ça, Danny. Vraiment, moi, j'ai vraiment aimé. Moi, j'ai bien aimé aussi. Très bon. Tu sais ce que je pense que je vais aimer aussi? Une nouvelle collaboratrice à l'émission, Geneviève Beaulieu-Veilleux. Hein? Bonjour Geneviève. Bonjour Mathieu. Heureux de t'avoir avec nous. Moi aussi. Ben oui, crime du 109 dans le poste d'écoute. Ça dit bien, ça? De quoi tu nous parles cette semaine, Geneviève? Aujourd'hui, je vous parle du dernier disque de Dino Vodal, intitulé « Move Every Muscle, Make Every Sound ». Je voudrais d'abord un bref portrait de ce groupe indie rock. Il s'agit d'un quintet canadien plutôt coloré constitué de 4 gars et d'une fille. Le nom du groupe est très particulier. C'est De Novo qui vient du latin et qui signifie nouveau, et Dahl qui est le nom de l'auteur Roald Dahl, qui a écrit entre autres Charlie et la chocolaterie. Les membres du groupe aiment sortir de l'ordinaire. Ils portent des costumes très voyants, pour ne pas dire quétaines. C'est très drôle à voir. Ils aiment beaucoup s'amuser, comme ils le disent. Ils aimeraient offrir, dans le fond, un spectacle rock, pas comme les autres spectacles rock. Donc, Move Every Muscle, Make Every Sound, c'est le troisième album du groupe. D'abord, ils ont lancé l'album Cats and Kitten en 2005, ainsi qu'un maxi intitulé Shout Up en 2007. Pour ma critique maintenant, quand j'ai écouté leur troisième album, dès les premières notes de la première chanson, intitulée Shout, j'ai été conquise par ce groupe-là que je connaissais pas auparavant. La batterie est très présente et on retrouve beaucoup de rythme tout au long de l'album. C'est super énergique, puis on se sent vraiment entraîné dans la musique. Le chanteur principal, qui se nomme Joel G. Dahl, alors il y a quand même une certaine logique, c'est assez drôle, il possède un large registre vocal qui plaira à coup sûr, particulièrement dans les intonations plus graves. Sa voix se marie aussi super bien avec la voix de la chanteuse Sarah Zafiro, qui a plus une intonation, une voix claire, angélique, alors ça fait un beau mariage ensemble. Celle-ci, en plus d'assurer le côté vocal, elle s'occupe des percussions et fait de l'omnicorde. C'est un instrument que je connaissais pas avant. Il s'agit d'un instrument, dans le fond, doté de cordes et de boutons destinés à accompagner la voix de d'autres instruments en assurant un rythme et un tempo prédéterminé. Okay. Donc, c'est comme original, là. Ça doit être quelque chose en spectacle. J'ai aussi été charmée par les arrangements de l'album qui m'ont beaucoup plu. J'ai apprécié la sonorité unique de chaque chanson, puis l'aspect dynamique tout au long de l'album. Là, on a le goût de danser parfois, de se lever. Là. C'est vraiment entraînant. Les paroles gravitent autour de l'éternel thème là, de l'amour, des relations amoureuses. Ça aurait pu tomber dans le cliché, mais quand même, le groupe réussit à atteindre son but qui est de nous toucher, puis de nous permettre de s'évader un peu. Juste en somme, dans le fond, j'ai vraiment aimé le CD. C'est un petit régal musical là, qui s'écoute soit dans la voiture, soit en tête dans la maison. Je dirais que l'album possède même un goût estival. Donc, il y a une touche distinctive à chaque chanson. Mais aussi, le groupe a réussi à trouver son son propre, donc on le reconnaît à travers les différentes pièces. Puis non, c'est ça, c'était vraiment une belle découverte. Je te suggère, Mathieu, à l'écouter, puis à tous les curieux là, qui sont en recherche de bon matériel musical ces temps-ci, c'est un CD à écouter. Je te rappelle le nom de l'album, Move Every Muscle, Make Every Sound, de la formation De Novo Dahl, qui sortira en magasin le 25 mars prochain. Donc, question de vous mettre un peu l'eau à la bouche. On va écouter deux extraits. Dans un moment, nous allons entendre la pièce Shakedown. Mais d'abord, on écoute Shout sur les ondes de la Radio Campus de Trois-Rivières. C'est fou, 89,1. Oh! Shout, shout, let all your feelings out. No matter how you do. Alors, on vient d'entendre Shake Down du groupe The Novo Doll à la radio C'est Fou, à la radio Campus. Wow! C'était bon, ça? Pas pire, hein? Merci, Geneviève Beaulieu-Veilleux. Merci de rien, Mathieu. À la Mathieu Plante, il aurait fallu que tu dises. Plante. Merci, Mathieu Plante. Ouais, parce que je connaissais pas son nom de famille, c'est ça la vérité. Moi, je pense que je les connais maintenant, tes noms, et je vais les retenir. Moi aussi, la Plante. Non, Plante. Je savais. Ça fait 2 secondes, puis tu l'as déjà oublié, c'est pas fort. Ça prouve ma bonne mémoire. Ben, on est dans le même club. Donc, bon. Geneviève Beaulieu-Veilleux, merci beaucoup, à la semaine prochaine. Tout à fait, même heure, même poste. On verra si mon verdict est aussi positif la semaine prochaine. On rappelle The Novo Doll avec l'album Move Every Muscle, Make Every Sound. C'est ça. J'ai retenu. Bye-bye. Bye-bye. Dany Janvier, on retourne au bloc fidèle au poste. Tu nous parles de deuxième album cette semaine. Oui, je vous présente L'œuf Red, qui est un projet lyonnais de breakbeat, hip-hop, electronica. L'œuf Red est né en 2001 lors des Printemps de Bourges. Les Printemps de Bourges, si vous ne connaissez pas, c'est les festivals de découverte électronique en France qui marchent beaucoup et qui a découvert beaucoup des projets justement français qui ont ensuite fonctionné un peu à travers le monde. L'œuf Red nous présente une musique cinématique, du abstract hip-hop, trip-hop, le tout saupoudré de samples ethniques et jazz. C'est vraiment quelque chose à voir en show parce que c'est sont 3 membres, mais il y a un membre qui est consacré à la musique, un membre qui est consacré aux images, donc photographe, et 2 membres consacrés au light show, aux lumières. Donc, c'est quelque chose à voir. C'est pas juste une prestation DJ. Et les influences, c'est Herbalizer, Amon Tobin, Cold Cut, finalement l'étiquette Ninja Tune, les Sonic Youth, Red Hot, FX Twin, Elvis, Tchaïkovski, Miles Davis, Hendrix, Nirvana ou Claude Nougaro. Donc, des trucs très, très variés. Mais ce que j'ai vraiment apprécié, c'est vraiment le petit côté cinématique. Et pour vous faire découvrir ça, ben, on va aller écouter la pièce 4 qui s'appelle Cello Stripping tout de suite. À la chance au coureur. Mais non, c'est au poste d'écoute. Ah, bonne chance! Bonne chance, coureur. Hey, on couronne le poste d'or dans à peine quelques minutes. Bon poste d'écoute. Cello Stripping du projet Le Fred et son dernier album Are You Experience. C'est un jeu de mots. C'est les Français, donc ils nous ont fait un petit jeu de mots. Et comme leur influence Hendrix est là, eh bien, il y avait un album qui s'appelait Are You Experience? Donc, Are You Experience? La pièce Cello Stripping, si vous l'aimez, eh bien, elle est en ligne au myspace.com/LeFred, tout dans un mot. Et puis, on va aller écouter une dernière petite pièce. Je pense qu'on va finir avec ça, Mathieu. Absolument, oui. Quelle pièce, déjà? Idling Again, la pièce 2 de ce petit album vraiment merveilleux que moi, j'ai aimé. Si vous aimez le genre, justement, Herbalizer, Maxime Robin, etc., vous allez apprécier. J'ai bien aimé aussi. Le Fred. Merci, Denis Janvier, bloc fidèle au poste. C'est d'ailleurs là-dessus que se termine le poste d'écoute pour cette semaine. On a découvert un paquet de nouveautés. Si vous voulez les revoir, suivez les liens vers chacun des sites au www.unechance.com. Moi, je vous retrouve à La Connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Ça, c'est les jeudis à 11h et les mardis à 9h dans le poste d'écoute. Toujours en direct les vendredis matins à 10h. On rappelle les samedis et mardis à 13h et au Palmarès C'est Fou les vendredis soirs à 17h et mercredis à 15h. Tout ça sur le cfou.ca, comme toujours. Passez une excellente semaine. Merci à Danny Janvier. Merci à Geneviève Beaulieu-Veilleux, que je remercierai jamais assez. Je m'appelle Mathieu Plante. Je suis en train de vous dire bonne semaine. Faites attention à vos genoux et bonne chance. Yo, hein, c'est Fisto le Fred. Yeah. Pourri dans ce panier de crabe, mec. Moi je chante ma vie d'artiste. Depuis que Chapito prend des airs de château de sable, mec. On est tous paumés dans ce panier. Peuple de crabes qui a oublié comment marcher droit, comme si la voûte céleste pesait sur leur dos de tout son poids. À ceux qui cherchent à retenir le temps, qui ont précipité le coup, et ceux qui transforment mon art en musique d'ambiance pour la basse-cour. À ceux qui pensent que ce décor de carton bat gondole, ce n'est pas Venise. Moi j'ai pris le micro pour remplacer le bâton de Moïse. À ce cercle de prophètes apparus comme par enchantement, entre sauts d'humeur et cas de langage, j'ai le sens de l'enjambement. Je voulais marquer avec la gloire, mais au premier rendez-vous, il est arrivé à la bourre, et avec un herpès à faire bander mou. Nostalgique des projos comme une star porno, la fierté se ravale, j'irai vendre ma plume au plus offrant sur le marché du travail. J'ai ma feuille blanche comme porte de sortie de ce long tunnel, où la plupart de nos rêves et illusions resteront funèbres. Mais personne ne viendra ouvrir ta trappe, personne. Non, personne ne te tirera de ce panier de crabe. Je chante ma vie d'artiste, mais mon chapiteau a pris des airs de château de sable. Alors je pense un jour chercher une autre piste, donc il reste une place de clown triste, ce panier de crabe, yo. Je chante, ouais, je chante ma vie d'artiste, mais mon chapiteau a pris des airs de château de sable. Alors je pense un jour chercher une autre piste, donc il reste une place de clown triste dans ce panier de crabe. Un panier de crabe, yo. A panier de crabe. Je chante ma vie d'artiste. A panier de crabe. Yeah. Et yo, c'est comme un panier de crabe. La dernière fois que j'ai croisé Dieu, il était assis sur un baril de poudre. Il fumait un blunt en écoutant Booba dans son Walkman. J'ai beau brancher tes tympans sur la foudre, mes droits ça sème reste inversement proportionnel à ceux de Jean-Jacques Goldman. Tu voulais que je te peigne un arc-en-ciel, mais j'ai que du gris sur la palette. Égaré dans ce show business comme une petite starlette sans paillettes. Et je les ai vus confondre leur ligne de coke avec mes traits d'esprit. J'ai appris à dealer mes 21 grammes d'âme dans chacun de mes écrits. Je voulais vivre d'amour et d'eau fraîche. J'ai remis mes idéaux au placard. Depuis que Cupidon fait le trottoir parce qu'il n'a plus une flèche. Allumeur de rêve, cherche cerveau pour intermittence de réceptacle. Tu restes assis pour ne pas que tous tes préceptes stagnent. Dans l'attente d'un petit séisme, une petite secousse. On vit tous dans l'illusion d'un instant, le couvercle se repousse. Mais le temps qui passe et la poudre qui soutient nos vies instables. Et la poudre aux yeux est en rupture de stock chez les marchands de sable. Alors je chante ma vie d'artiste. Mais mon chapiteau a pris des airs de château de sable. Et je pense un jour chercher une autre piste. Mais il me reste une place de clown triste dans ce panier de crabe. Alors je chante ma vie d'artiste. Mais mon chapiteau a pris des airs de château de sable. Et je pense un jour chercher une autre piste.